بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 37 بعد 100. 137e question. Et toujours, hein, comme je l'avais dit dans d'autres audios précédemment, j'ai toujours les travaux, donc s'il y a des bruits de marteau, des bouts de frappement ou quoi, c'est normal. طيب. سئل الشيخ رحمه الله تعالى. نسمع عن بعض عن البعض عند إقامة الصلاة أنه يجهر بتلفظه لهذه الصلاة. فهل لهذا أصل في الشرع؟ Donc il est interrogé le cheikh en disant que on entend certaines personnes lorsque il y a l'iqama salat, vous savez quand on dit qu'iqama salat, qu'iqama salat, d'accord, que certaines personnes prononcent leur intention d'accomplir cette salat. Par exemple, si c'est l'asr, il dit qu'il va faire le asr. Si jamais c'est le dhuhr, il dit qu'il va faire le dhuhr, et cetera. Donc il demande, est-ce qu'il y a une origine à cela dans la religion? En fait, la masala, c'est atalafuz bin niyya, le fait de prononcer la niyya. Fa'ajaba al-cheikh rahimahullah ta'ala, حكم ذلك أنه بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية والله ولي التوفيق أيوه والله ولي التوفيق. Donc il a dit cela est une innovation car il n'a jamais été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم ni de ses compagnons qui le faisait, et l'intention, son emplacement est dans le cœur. Son emplacement est dans le cœur. Donc il n'y a pas besoin de la prononcer. Et dans l'absolu. Car Allah Azza wa Jal sait ce que tu as comme intention. Naam. Et en passant par là, moi c'est une chose que j'avais au début, dans le début d'Islam, comme j'ai déjà raconté. J'ai été confronté aux Ahbesh. Je les ai fréquentés au début. Je connaissais pas qui ils étaient. Ça n'a pas duré longtemps de toute façon, alhamdoulilah. Et ils le faisaient ça. Avant la salat, il faisait talafuz biniya en attribuant une parole à Shafiri par rapport à ça. Et cette parole-là, soit elle est fausse de Shafiri, ou soit elle avait été interprétée, je ne l'ai plus en tête là pour pouvoir l'expliquer. J'en avais parlé dans la première série de durus de Arba'in Nawawiya, que j'ai fait il y a longtemps à Sanaa, avec le charh de Shariah al-Hajuri. Donc celui qui veut entendre, qu'il retourne dans le premier hadith. Innam al-amal biniyat. Wa nahwa dhalik. نعم. ثم قال في السؤال 38 بعد 100 138e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى حكم التلفظ بالنية عند الشرع عند الشروع للحج أو العمرة. Donc maintenant il est interrogé à propos du fait de prononcer la niya en débutant le Hajj ou la Umrah. Tout à l'heure c'est la Salah, maintenant c'est le Hajj et la Umrah. فأجاب رحمه الله تعالى هذا ليس بالسنة بل إن التلفظ بنية الحج كتلفظ بنية الصلاة والزكاة والصوم يعني أنه لا يقول الإنسان اللهم إني نويت العمرة اللهم إني نويت الحج ولكن ينوي بقلبه. Donc il a dit cela ne fait pas partie de la sunna. Et voire même que le fait de prononcer l'intention du hajj, cela est le même jugement que prononcer pour la salat ou pour le jeûne ou pour la zakat et autres. Donc, la personne n'a pas à dire, oh Allah, j'ai l'intention de faire la Umrah. Oh Allah, j'ai l'intention de faire le Hajj. Cependant, cette intention reste dans son cœur. وَيُعَرِّبُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ بِلِسَانِهِ فَيَكُولْ لَبَّيْكَ عَمْرَةً. Par contre, il extériorise ce qu'il y a dans son cœur, par sa langue, en disant, je réponds à Allah, je te réponds par une Umrah. Et ça, ce n'est pas talafuz bin niyya. Ça, c'est un rite qui est un dalil. D'accord? Ça, c'est un rite qui est un dalil. La talbiya, pendant le hajj et la umrah, c'est une chose qui est basée sur un dalil. D'accord? Et ça ne s'appelle pas talafuz bin niyya. Ça s'appelle fakat talbiya. Ça s'appelle comme ça. Wa amma an yantuqa bin niyyati qabl an yadkhula fi an-nusuk, fa yaqul Allahumma inni nawaitu kadha. فهذا بدعة لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة أو الحج اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج. Donc le fait de prononcer cette intention avant de commencer les rites du Hajj, car la talbiya, de ce qui me semble, elle est après. Elle est après être entrée en état de sacralisation. Et là, il parle de faire avant. Donc quelqu'un qui ferait cela avant d'entrer dans les rites, en disant par exemple, oh Allah, j'ai l'intention de faire telle et telle chose, cela est une bid'a, innovation. Car il n'a pas été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'au moment où il a voulu se sacraliser, pour la umra ou pour le hajj, qu'il ait dit cela. D'accord? Cela n'a pas été prononcé de sa part. Naam. هذا الذي أخذ اليوم من هذين السؤالين والحمد لله رب العالمين.